Les nuits de France Culture, la nuit de la Bilipo, bibliothèque des littératures policières, bibliothèque située, rappelons-le, 48-50 rue du Cardinal Lemoine à Paris, dans le 5e arrondissement. Sa conservatrice en chef, Catherine Chauchard, est le commissaire de l'exposition L'Europe du Polar, exposition que l'on peut voir donc en ces lieux. Mathieu Le Tourneux nous ont rendu visite en début de nuit. Nous savons donc tout sur la Bilipo et beaucoup aussi sur l'écrivain américain Ed McBain grâce à Jean-François Merle qui est venu dans la nuit également, autre visiteur de la nuit. Ed McBain dans les éditions Omnibus republie l'intégrale des chroniques du 87e district. Omnibus donc c'est en 9 tomes, des aventures policières noires, on ne peut plus urbaine. Alors les archives que l'on a pu suivre, eh bien les maîtres du mystère, l'affaire Le Rouge, d'Émile Gaboriau, une conférence de Claude Aveline ensuite, le roman policier est-il un genre littéraire, les exploits de Nick Carter, la caverne rouge, une tribune de Paris, le roman policier traditionnel et le roman policier noir, débat animé en 1949 sur la chaîne nationale par Paul Perronnet qui réunissait Marcel Duhamel, Pierre Nord, Simone Signoret, Armand Hogg et Jeanne Monrobert. Puis une nouvelle de Frederick Brown présentée par Francis Lacassin et à l'instant donc les enquêtes de Sherlock Holmes. À venir, il y a du rififi chez les romanciers par Robert Sadoul avec Robert Gaillard, Auguste Le Breton et Francis Blanche et puis un cinéma pour les ondes, Le Couteau dans la Plaie. Bonsoir Lucie Amir. Bonsoir Philippe Garbi. Et bonsoir Alice Jacquelin. Bonsoir. Alors, je rappelais à l'instant que le côté urbain, donc citadin, on peut dire aussi, des chroniques du 87e district d'Ed McBain, Jean-François Merle disait d'ailleurs que pour lui, le roman policier, le roman d'énigmes né au 19e siècle était évidemment urbain. Ça se passait dans les grandes villes, c'était la grande ville sombre, dangereuse, criminogène, etc. Et je pense que l'une de vous sera un peu contre, parce qu'il disait, en somme, on pouvait comprendre qu'il n'y avait pas de crime ailleurs qu'à New York, Londres, Paris et d'autres grandes mégapoles. C'est votre cas qui pense le contraire. Je pense que vous parlez de moi, Philippe Garbi, oui. Puisque je viens de soutenir une thèse donc sur le polar rural, ce que j'appelle le country noir, qui existe en fait depuis très longtemps, depuis à peu près aussi longtemps que le roman noir existe, donc début du siècle. Début du siècle, quel siècle? Le 20e. 20e ah, voilà. Siècle. Vous savez qu'on est au 21e. Oui, pardon, excusez-moi, nous sommes en 20, ce voilà. Qui est toujours très étrange. Effectivement, au début du 20e siècle, et qui en fait est une branche du polar qui émerge et qui est souvent proche, par exemple, du roman paysan en France et aux États-Unis, qui est proche du Southern Gothic ou du Nature Writing aussi, et qu'on a souvent méprisé, mais pas parce que en fait il n'existait pas, mais parce qu'il n'était pas constitué comme objet d'étude ou d'analyse. Et effectivement, c'est intéressant de le réhabiliter aujourd'hui. Voilà. Mais il a fallu quand même attendre alors quelques décennies, puisque quand même le roman policier, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il est né au 19e siècle, oui. Ici et là. Donc il faut attendre vraiment le début du 20e siècle pour que des romanciers, en France en tout cas, situent leur énigme dans la campagne. Moi je trouve pas, parce que Gaboriau, justement, ça se passe. Bien sûr, il y a des scènes qui se passent autre part qu'en ville, sur la côte, il y a des récits balnéaires, il y a de la fameuse énigme d'Arsène Lupin qui se situe à Etretat. Mmh. Donc en l'aiguille fait, creuse. Bien sûr, l'aiguille creuse, donc effectivement. Ouais, mais ça, on est au 20e siècle, là, déjà. Oui, alors le 19e, moi, c'est moins ma partie. Je vous avoue, je suis plus début 20e, et notamment, moi, je situe le début du country noir aux États-Unis à partir du Southern Gothic à la Faulkner. Donc, pour moi, ça commence à peu près là. Et ensuite, les Français s'en inspirent plus tard. Mais tout ça est une construction rétrospective, de toute façon, c'est une lecture qu'on fait a posteriori, que les universitaires, dont moi, font a posteriori. Je ne suis pas sûre que les écrivains de l'époque se situaient dans une... Bon, le mot polar n'existait pas. Toute non, manière. Voilà. Ouais. Ni mais j'imagine qu'Alice Jacquelin, qu'il ne suffit pas de situer une énigme dans un roman policier à la campagne pour que ce soit un polar rural. Si, ça suffit. Ça ne suffit pas, mais disons que c'est quand même... En fait, d'explorer les problématiques rurales est quand même quelque chose d'assez important dans le polar rural, comme d'ailleurs ça a été le cas dans le polar citadin, où ça a émergé à un moment où la ville était une ville dangereuse, les classes laborieuses se rassemblaient à cet endroit-là, il y a eu beaucoup de criminalité, une hausse de la criminalité, et notamment dans les années 20 aux États-Unis, il y a eu effectivement aussi des problématiques de grande pauvreté dans les campagnes. Et donc à ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle les crime waves. Et donc effectivement, des romanciers pas forcément de romans policiers ou de polars, des romanciers se sont emparés de ces problématiques-là, typiquement campagnards, si je puis dire. Mmh. Le vagabond, mais vient souvent de la ville, et il est dangereux. Oui, le vagabond, il peut venir de la campagne aussi. D'ailleurs, les journaliers qui se déplaçaient de ferme en ferme pour vendre leurs bras, pour vendre leur force de travail, c'était des gens qui constituaient une figure dangereuse et effrayante aussi. Qui sautent d'un wagon à l'autre. Les hobos, les effectivement, ce sont toutes des figures qui sont des figures dangereuses. On a eu ensuite, après, le hillbilly, notamment, qui est, moi, le personnage qui m'intéresse le plus, qui est l'habitant des monts Ozark, aux États-Unis, qui est, en fait, le pendant du redneck, mais qui est une figure un peu de l'idiot. Redneck, c'est quoi, alors? Le redneck, c'est le cou rouge, c'est le paysan qui travaille dans les champs et donc qui est souvent considéré un peu idiot, abruti par la télévision, très proche de sa Winchester, enfin voilà, donc des gens un peu comme ça. Le hillbilly, à l'inverse, c'est un autre stéréotype, c'est le stéréotype de l'idiot du village, le crétin, on pourrait dire le crétin des Alpes en français, puisque les Monts Ozark est une région assez enclavée où il y a beaucoup de promiscuité, il y a beaucoup de mariages consanguins. Voilà, donc il y a toute une stéréotypie comme ça qui s'est créée autour du hillbilly, notamment par exemple dans les années 70, si vous avez vu le film Délivrance de John Borman, où voilà, il y a cette... On donne pas envie vraiment d'aller se promener dans... Non, dans voilà. Arrière-pays. Voilà, donc le hillbilly a aussi incarné à un moment comme ça une figure très effrayante. Pour l'urbain qui lisait des romans, des polars ruraux, il se disait, mon Dieu, à la campagne, ils sont bien pires que chez nous. Voilà. Mais par exemple, si on lit Pierre Véry, Goupil-Main Rouge, c'est un polar rural? Oui, alors effectivement, on peut faire retracer comme ça une espèce de filiation des romans qu'on pourrait appeler romans paysans ou romans de terroir français. Certains l'ont fait remonter à Marcel Aimé, même, c'est pour vous dire, La table au crevé. Bon, moi, pour moi, c'est vraiment une construction rétrospective que de réintégrer ces romans-là au polar rural. Mais bon, après, ma thèse commençait en 1996. Bon. Et vous, Lucie Amir, alors quel est votre sujet de thèse à venir? Moi, je déborde pour ma part un peu la distinction entre polar rural et polar citadin en développant. Je vais essayer de développer une approche politique du polar. Donc, ça va être peut-être la notion de cité, en fait, qui va me permettre de dépasser cette distinction en estimant que le polar, qu'il soit rural ou urbain, met en jeu le rapport des hommes à leur société. Ce dont, par exemple, les festivals de polar aujourd'hui témoignent beaucoup, c'est-à-dire qu'on a des festivals en ville, mais aussi à la campagne, et les lecteurs de polar vont au contact des auteurs qu'ils aiment, dans les festivals, et les festivals me paraissent être un mode de consommation du polar aujourd'hui particulièrement fort, peut-être plus important que la lecture des livres eux-mêmes. Ah oui, mais alors, donc, par exemple, vous parlez d'engagement, c'est quoi? Parce que l'engagement politique des auteurs de polar après 68, c'est pas nouveau, enfin ça s'est passé... Bien sûr, alors... Mais c'est pas votre période d'études. Non, c'est pas ma période d'études. Alors effectivement, moi je m'intéresse au rapport entre polar et politique aujourd'hui, donc, depuis le tournant du 2000. Siècle de notre siècle à nous, depuis le du début 21e. Des années 2000. Donc il faut avoir conscience que l'engagement a effectivement été un argument fort de l'espace du polar à la fin du XXe siècle. On avait un roman noir fortement politisé, très marqué par la figure de Jean-Patrick Manchette, la force de frappe de ses formules, hein, la littérature de la crise, le roman d'intervention. Il a donné l'impulsion de toute une génération d'écrivains, les écrivains du néo-polar, puis la génération Poulpe, du nom de cette collection née en 1995, sous l'impulsion de Jean-Bernard Pouy, Didier Deninx, Patrick Reynal. Et cette tradition a créé un patronage qui est encore présent dans l'espace du polar contemporain, tout simplement parce que des représentants de la génération Poulpe sont encore vivants et ont encore une certaine autorité dans les médias. Hein. Je pense à Jean-Bernard Pouy, par exemple, qui est... très invité dans les festivals, dont la gentillesse fait l'unanimité, qui est considéré par bon nombre d'auteurs de polar encore aujourd'hui comme un véritable père d'adoption, hein, pour les écrivains. Et en même temps, il me semble que ce patronage est problématique aujourd'hui. les écrivains qui sont rentrés en littérature dans les années 2000 ne se revendiquent plus de manière très évidente de cette tutelle-là, de cet héritage. Mais pourquoi se revendiquer d'ailleurs d'un, on peut pas écrire dans son coin tranquillement et sans s'intéresser à la production éditoriale. On est obligé, écrivain de polar, de correspondre alors on raconte la société, on raconte évidemment si ces romans sont contemporains, on raconte ce qui se passe en France ou ailleurs aujourd'hui. Mais pourquoi vouloir peut-être être dans une école, même si elle n'est pas dite, s'il y a pas de statut particulier. Ben, il me semble que le polar étant une littérature populaire, elle se légitime beaucoup en faisant appel à ses prédécesseurs, en s'inscrivant dans une communauté. Au risque de copier, non ? Enfin, de se répéter ? Oui, mais ce n'est pas tellement dégradant pour un genre comme celui du polar de faire appel à des codes très identifiés qui fait partie, qui contribue au succès de cette littérature-là. La littérature polar me semble pas mal jouer sur l'attrait du retour. La familiarité. La familiarité, exactement. Alice Jacquelin. Oui, puis à la période très contemporaine, notamment, moi j'ai intitulé la fin de ma thèse, donc l'étude du country noir en régime médiatique. Il faut aussi se rendre compte qu'on est dans une période, et notamment au XXIe siècle, où on ne peut pas, on n'écrit plus dans son coin, enfin, il me semble. Ou alors, à moins de s'enfermer vraiment dans une zone blanche coupée de tous les réseaux, mais je veux dire, les auteurs de polar, comme les auteurs de littérature blanche d'ailleurs, se retrouvent sur la scène médiatique et deviennent des figures médiatiques et même des figures... Il y a un universitaire, Mézoz, qui parle de posture médiatique et qui explique que les écrivains incarnent, et les écrivaines incarnent des postures véritablement. Et je pense que pour le polar, c'est particulièrement vrai, puisqu'ils doivent, en quelque sorte, ils ont presque la... par cet héritage, par ce patronage, ils doivent se positionner sur le champ politique. Ils sont obligés, enfin, je ne vois pas trop... Oui, et le polar est un peu la rampe de lancement des jeunes écrivains aujourd'hui. On voit beaucoup d'écrivains qui sont primés ensuite. Nicolas Mathieu, par exemple, qui a obtenu le prix Goncourt l'année dernière pour Leurs enfants après eux, mais qui a d'abord publié dans une collection de polar, Acte Noir. Donc voilà, le polar sert de rampe de lancement pour de jeunes auteurs qui se positionnent par rapport à d'autres, peut-être plus que dans d'autres littératures. Vous avez lu combien l'une et l'autre de romans pour votre thèse ? Vous allez lire combien de romans, Lucie Amir, pour votre thèse à venir ? Alice Jacquelin ? Combien j'ai lu de romans pour ma thèse ? Oui, j'en ai lu beaucoup. Vous n'avez pas un boulier à côté de votre lit pour Mais effectivement, mon corpus de thèse est assez conséquent. C'est aussi l'intérêt et le problème de travailler sur des littératures populaires, c'est que c'est très très conséquent et il faut faire le tri. Et c'est très difficile. Pour ma thèse, j'ai un corpus de 40 romans, donc c'est assez conséquent. Ça va encore, mais dès qu'on commence à essayer de faire des analyses très précises, des micro-lectures ou de l'analyse véritablement littéraire, ça devient très compliqué. Mais c'est aussi très intéressant parce qu'on a une vision beaucoup plus macro, en fait, qui permet d'étudier les structures, d'étudier les grandes thématiques, d'étudier effectivement les effets retours, les effets de patronage, les effets sociologiques aussi, qui peuvent être très intéressants. Dans ces romans, il faut bien que vous nous donniez quelques titres. Oui, l'une et bien et justement, Nicolas Mathieu, pour reprendre l'exemple de Lucie Amir, Aux animaux la guerre, qui était donc son premier roman, un roman noir qui se situe dans les Vosges, se situe en fait sur la... L'intrigue est située autour de la fermeture d'une usine dans les Vosges qui crée en fait des tensions et de la criminalité. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Antonin Varenne qui a écrit un roman qui s'appelle Battu, qui se situe dans une région. On n'a pas exactement, c'est pas exactement défini. La région n'est pas exactement définie. C'est l'Auvergne, non ? Oui, c'est vers l'Auvergne et c'est une région très rurale effectivement, autour d'un garde-chasse. Qui est-ce qu'on a d'autre ? On a Benoît Mainville, qui avait écrit un roman qui s'appelle son premier roman, premier polar rural noir à la série Noire en 2016, qui se passe dans la Nièvre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mais donc ça veut dire, quand c'est des auteurs régionaux qui écrivent sur leur région ? Oui, alors ça c'est très très intéressant, c'est une des parties de ma thèse que j'aime beaucoup. Justement, qui sont ces gens ? Est-ce que ce sont des urbains qui écrivent sur les campagnes, ou est-ce que ce sont effectivement des gens qui vivent à la campagne, qui écrivent sur leur propre campagne ? Eh bien, ni l'un ni l'autre, c'est très intéressant, ce sont très souvent d'anciens, de gens qui viennent de familles campagnardes, de familles rurales, et qui ont souvent émigré vers la ville. Et très souvent, il y a une forme comme ça de retour à l'authenticité, en quelque sorte, une espèce de recherche, de retour aux sources, retour aux racines, retour au bercail, comme ils disent parfois. Avec un regard critique, parfois, enfin souvent. Avec un regard critique, mais aussi avec un regard très nostalgique, souvent. Justement de cette recherche d'une forme d'authenticité, d'une forme d'antériorité, de qu'est-ce qu'ont été les campagnes, et souvent un regard très, justement, très nostalgique des campagnes en déliquescence, en fait. Les campagnes et puis les régions ouvrières qui... Et les régions ouvrières. Les usines fermes. Absolument. Nicolas Mathieu parle de la fin du monde ouvrier de façon extrêmement nostalgique. La fin de Aux animaux la guerre est magnifique en ce sens. Enfin, c'est un roman qu'il faut vraiment lire, qui n'a pas été primé parce que dans une collection noire, mais le suivant qui était publié en blanche et qui est strictement la suite du précédent, a reçu le prix Goncourt. Donc voilà, je crois que ça veut tout dire. Alors, quand on lit, comme vous, Lucie Amir, vous allez partir sur combien de romans, vous ? Alors moi, c'est une grande question de recherche là qui va m'occuper, je pense, une bonne année, peut-être 3 ans, voilà. Parce qu'il y a un énorme impensé dans les études littéraires sur autour de la constitution du corpus. Hein. On part souvent du principe qu'on va étudier les œuvres qu'on aime, ce qui est parfois problématique, je pense, pour envisager une étude critique sur les œuvres. Donc moi, comme je vais essayer d'étudier le genre dans sa globalité, j'essaie de définir un corpus de manière avec des critères un peu objectifs ou du moins significatifs. Donc j'essaie de constituer un corpus sur la base des auteurs qui ont été les plus primés depuis le début des années 2000, des auteurs qui ont été les plus vendus aussi. Donc ça donne un corpus très malléable qui englobe ou inclut aussi bien des gens comme Fred Vargas ou plus récemment Michel Bussy, donc des grands best-sellers, et puis des auteurs plus associés à la sphère du roman noir, qui sont très primés par les prix polars français, donc quelqu'un comme Caryl Ferret, par exemple, ou Dominique Manotti. Mais alors, parce que vous lisez l'une et l'autre, et je pense que toutes les auditrices, les auditeurs de cette nuit de la Bilipo sont de grands lecteurs de romans policiers, qui ont commencé par les romans d'énigmes, voilà, quand ils étaient enfants, gamins, adolescents. Mais quand on lit, comme vous deux, énormément de romans, on est quand même, on recherche aussi la qualité de l'intrigue et pas simplement, il n'y a pas simplement le côté documentaire parce que là on est dans la Nièvre, là après on est dans les Deux-Sèvres, là on est dans les Vosges, etc. C'est pas, vous voyez, il faut quand même qu'il se passe quelque chose qu'on n'a pas lu déjà 15 fois. Oui. si vous l'avez lu 15 fois déjà. Non. Moi, je trouve que, comme Lucie, je suis assez d'accord. La question du corpus est très très compliquée, surtout dans le cas des études populaires, parce qu'on se retrouve à devoir à la fois ne pas dire certaines œuvres ont plus de valeur que d'autres, puisque le principe du populaire, c'est que ce sont des œuvres qui ne sont pas légitimes. Donc c'est difficile de dire ce roman-là a plus de valeur que ce roman-là pour telle ou telle raison. Ils ne sont pas légitimes, pourquoi ? Qui sont délégitimés au sein, en tout cas, de l'institution, notamment l'institution universitaire. Moi, je les trouve très légitimes, hein, ce n'est pas la question, mais au sein notamment de l'université, ce sont souvent des corpus qu'on n'étudie pas, qu'on n'enseigne pas, que les étudiants ne connaissent pas beaucoup. Je vous parle, le roman policier se situe plutôt en bonne place à l'université, mais par exemple, si vous prenez les romans sentimentaux, le young adult, hein. Le thriller, le young adult, tout ça, ce sont des... C'est quoi le young adult, pardon ? C'est la littérature, on dit jeune adulte, que littérature plutôt sentimentale, hein, que lisent les étudiants, souvent des jeunes femmes, enfin les jeunes actifs, et qui commencent à être un objet universitaire, mais qui est peu connu et peu légitime encore pour l'instant. Mais alors donc, revenons aux énigmes, aux intrigues, si le mot est encore accepté. Est-ce qu'on peut parler d'intrigue pour un polar ? Oui, bien sûr. Ah, bon. Évidemment, heureusement. bien sûr, on parle encore d'intrigue pour un polar. Après, il y a certains auteurs ou certaines autrices qui vont déconstruire un peu l'intrigue ou qui vont un peu la modifier, notamment, ça fait un certain temps déjà que le roman noir n'implique plus nécessairement un crime. Ou n'implique plus nécessairement un détective. Ça fait quand même longtemps que c'est le cas. Mais évidemment, toutes ces formes-là sont retravaillées, redistribuées au sein de l'intrigue. Par exemple, chez Nicolas Mathieu, on a une inspectrice du travail. Donc, c'est pas une inspectrice, c'est une inspectrice du travail. Chez quelqu'un comme Daniel Woodrell, qui est un des auteurs très importants de ma thèse, qui est un auteur américain qui a donné le nom « Country Noir » à l'un de ses romans, On a une jeune femme qui enquête sur la mort de son père, mais qui n'a pas le statut d'inspectrice ou d'enquêtrice. Les rôles sont redistribués, en quelque sorte. Mais l'intrigue subsiste, évidemment, le suspense, l'action, tout ce genre de choses, malgré des auteurs et des autrices qui déconstruisent parfois ça aussi, de façon un peu plus postmoderne, si je puis dire. Mais bon... C'est pas la majorité. Lucie Amir, c'est aussi votre... Alors la question de l'intrigue, j'ai l'impression qu'elle fait l'objet de conflits entre les écrivains de polar et peut-être aujourd'hui encore plus qu'avant, entre des écrivains qui se revendiquent du roman noir, donc d'une littérature qui est plutôt concentrée sur la description de la société, de ses dysfonctionnements, et puis ce qu'on appelle le roman à suspense ou le thriller, qui serait plus focalisé sur la construction d'une bonne intrigue, d'un bon page-turner. Et les auteurs de thrillers sont souvent considérés comme des auteurs plus dépolitisés. Mais je pense qu'il faut aussi rester prudent sur ces distinctions. Les genres se mélangent et puis les étiquettes, les catégories sont souvent des jeux de, enfin cachent souvent des jeux de posture aussi. Donc bien sûr la question narrative est centrale et c'est aussi une arme stratégique pour les auteurs qui s'opposent entre eux et qui cherchent à se positionner dans le champ littéraire. Vous-même, quand vous avez commencé à lire des romans policiers, c'est le terme, voilà, c'est plus général, le roman policier, c'était quel genre de roman quand vous étiez enfant, adolescente? Alors moi, j'ai un rapport... Lucie Amir. Très académique au polar. J'y suis arrivée assez tard, je crois. Et par ailleurs, je me reconnais pas trop dans la figure de la grande dévoreuse de livres... enfant, adolescente et même adulte. Bon, ceci dit, j'ai quand même toujours été, une grande lectrice. Je lisais beaucoup le Club des Cinq quand j'étais enfant, donc la Bibliothèque Rose. À qui vous identifiez-vous? J'aime beaucoup le personnage de Claude, ce personnage un peu ambivalent qui disait déjà beaucoup à l'époque des questions de genre, hein, de l'assignation à la féminité. Voilà, j'ai lu Alice, détective, après, un peu plus tard. Et puis, surtout, je crois que j'ai commencé à lire du polar en lisant, comme beaucoup de gens sûrement en France, Fred Vargas, lorsque j'étais en classe préparatoire et que j'avais envie de lire autre chose, tout simplement, que Proust ou que Madame de Sévigné, qu'on me faisait lire en classe. Alice Jacquelin ? Moi, mon rapport au polar est plus ancien, peut-être. Je me souviens très bien de lire en classe Le meurtre de Roger Ackroyd. Au lieu d'écouter, j'étais petite, hein, c'est un vieux, vieux souvenir. Donc, c'est pour vous dire, je devais avoir, je sais pas, 9 ans, peut-être. Ah. Et je me souviens de lire ça et de plus pouvoir m'arrêter. Donc, Agatha Christie a été vraiment une figure très importante en ce qui me concerne. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Ensuite, donc, il y a vraiment, vous savez qui a tué Roger Ackroyd, on va pas le dire à l'antenne, mais parce que Pierre Bayard a écrit un livre. Formidable, d'ailleurs, ouais. Elle est formidable, où il remet en cause, il dit Agatha Christie et Hercule Poirot se sont trompés. Il a dit la même chose aussi pour les Dix Petits Nègres. Il a sorti aussi la vérité sur les Dix Petits Nègres. Vous n'avez pas envie, vous, de reprendre des textes comme ça, les classiques, les textes canoniques, et dire, enfin, Agatha Christie s'est trompée, Maurice Leblanc s'est trompé, Gaston Leroux s'est trompé. Là, on retourne à la question de l'importance du narratif. Moi, je crois que je serais incapable de démontrer qu'Agatha Christie s'est trompée dans un de ses polars. C'est tellement brillant, souvent, comme construction. Lorsque je lisais Pierre Bayard, j'étais aussi très admirative de la manière dont il arrive à construire une proposition alternative. Mais je me disais qu'il serait intéressant d'aller... presque d'écrire une réponse à Pierre Bayard pour défendre la version d'Agatha Christie tellement ses constructions sont fortes sur le plan narratif. On l'avait reçu dans une nuit spéciale, la nuit des îles, et je me semble lui avoir dit qu'il s'était trompé aussi dans sa réponse. voilà. Mais enfin bon, le jeu peut durer des mois et des mois. Quand on parle de polar rural, est-ce qu'on parle aussi d'éditeurs qui trouvent leur place ailleurs qu'à Paris, et tant mieux? Mais absolument, le phénomène polar rural et polar régional, en fait, sont assez proches. Polar régional, alors c'est quoi? Oui, alors donc, ce ne sont pas exactement les mêmes maisons d'édition, mais il existe. Notamment, j'ai un exemple qui est assez intéressant, c'est le cas d'un éditeur qui s'appelle Cyril Herry, qui est quelqu'un qui est par ailleurs auteur de polar, mais qui avait une petite collection qui s'appelait Territory et qui était située dans le Limousin. Et c'est lui qui a lancé de nombreux auteurs comme Franck Bouys, qui est très connu maintenant, Antonin Varenne, Patrick Dieudonné. Il a aussi publié Laurence Bieberfeld, qui est par ailleurs écrivait dans la série Noire antérieurement. Et donc Cyril Herry a constitué en quelque sorte cette collection à partir d'un ancrage régional, mais sans néanmoins revendiquer un régionalisme quelconque. Vous voyez, c'était vraiment de dire ce sont des auteurs qui travaillent sur la région. Donc c'est très intéressant. Et ensuite, il a fait un partenariat avec un éditeur, Pierre Fourniot, à la Manufacture de Livres. Et donc, les romans ont gagné une espèce d'ampleur nationale plus importante. Mais il y a des passerelles comme ça entre polar des régions et grandes maisons d'édition. Mais souvent, ce sont quand même deux mondes séparés. Et notamment, par exemple, le polar breton, qui est florissant, qui est très important. Il y a énormément de maisons d'édition qui se montent en Bretagne pour valoriser le polar. Et donc, vraiment, on assiste à des phénomènes comme ça de différentes échelles au sein du polar, ce que je trouve, et qui fait tout le dynamisme du polar, il me semble, et notamment au sein des festivals aussi, c'est très représentatif. Et c'est vraiment une littérature comme ça qui peut toucher à toutes les échelles. Moi, c'est ça qui me fascine dans le roman policier. Alors, vous, j'imagine que vous deux, Lucie Amir et Alice Jacquelin, vous voyagez comme ça en France, des festivals. Est-ce qu'un festival en Bretagne va mettre des piles de livres vosgiens, etc. Ou du coup, chaque festival est très, très, très chauvin. Lucie Amir. Alors, il me semble effectivement que chacun des festivals, lorsqu'ils ont... Ce qui est logique aussi, on en met en valeur la production régionale. À Frontignan, par exemple, le festival a décidé de mettre en place un stand dédié aux auteurs locaux pour qu'ils puissent aussi côtoyer les auteurs qui ont un succès à l'échelle nationale. Et je pense que dans ce cas-là, les auteurs locaux en question, voilà, ce seront des auteurs vraiment de la région de Sète et de Frontignan. Des effets comme ça. Oui, alors autre question comme ça est-ce qu'on tue différemment dans les polars en Bretagne et dans le sud ou je ne sais où? Alice. Alors, attendez, vous avez l'une a soutenu sa thèse, l'autre est en train de commencer à travailler à sa thèse, alors vous devriez me répondre immédiatement. Est-ce qu'on tue différemment? Je ne saurais dire. Ce qui est sûr, c'est que notamment dans les polars ruraux, on a parfois des mises en scène criminelles typique sur la ruralité. Alors, je vous donne un exemple très précis. Je ne sais pas si vous connaissez la série télévisée Le Petit Quinquin de Bruno Dumont qui se passe dans le nord de la France, dans la région nord, et notamment certains meurtres extrêmement gore, si je puis dire, et puis très... très très choquants, sont très liés aux animaux de la ferme. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais véritablement, il y a des mises en scène comme ça, très rurales, du meurtre. Mais bon, en général, c'est... Non, on tue à la campagne comme on tue en ville, j'imagine. Il n'y a pas de spécificité régionale. Je ne sais pas si on s'étouffe au camembert en Normandie ou... À vérifier. À vérifier. Peut-être que si. Pour votre thèse, c'est trop tard, mais peut-être un article dans une revue précise. Lucie Amir. J'étais en train de me dire que même si on habite dans différentes régions de France, on a quand même accès à la même culture de masse aujourd'hui. Et le polar passe aussi beaucoup par le cinéma, il faut le dire, et par les séries télévisées aujourd'hui. Mmh. Donc je pense qu'on a accès à des représentations de la violence qui sont qui dépassent les pratiques régionales. Donc je pense, j'aurais tendance à dire intuitivement qu'on tue de la même manière partout. Mais... Ah, allez, Jacqueline. Ceci dit, en termes d'intrigue, puisque je reprends votre question, il se passe dans les romans ruraux, souvent il se passe quelque chose d'assez étonnant, c'est que donc les espaces ruraux étant beaucoup plus larges, la campagne beaucoup plus étendue, on cache plus facilement un corps aussi. Et on trouve moins facilement les corps, donc le temps est ralenti par rapport à la ville, en quelque sorte. Le détective ou la détective met énormément plus de temps à trouver un corps. Et ça, c'est quelque chose d'assez récurrent. Ce qui fait que ça ralentit le rythme, on est beaucoup plus dans une amplitude comme ça, un peu atmosphérique, très descriptive. Et parfois, on ne trouve jamais le corps, très souvent. Lucie Amir, vous, alors, l'engagement politique, est-ce que c'est un engagement politique que de tuer son prochain ? Est-ce qu'il y a parfois des revendications politiques à des meurtres dans les romans que vous étudiez ? Bien sûr, où l'émancipation peut passer par la violence aussi. Je pense à un roman de un vieux polar déjà, je pense, de Pierre Lemaître, Robe de mariée, dans lequel une femme nous est montrée, racontée au début du roman comme tuant à plusieurs personnes d'affilée. On comprend mal ce qui se passe et puis on comprend petit à petit qu'elle est manipulée par un homme qui a construit une fixette sur elle et à la fin du roman elle retourne cette violence contre lui et à ce moment-là la violence prend une portée véritablement libératrice pour elle. Donc oui, bien sûr, la violence a une portée politique de toute façon. Bon, évidemment, dans une tradition un peu plus ancienne, je pense au néo-polar, la violence est politique. Elle pose la question de la légitimité du terrorisme. Voilà, je pense au célèbre roman Nada de Jean-Patrick Manchette, hein, qui interroge la légitimité de cette violence-là à travers la mise en scène de l'enlèvement d'un ambassadeur qui tourne très mal. Est-ce que ça n'a pas vieilli un petit peu, ça, justement ? Oui. Et il me semble que la mise en scène de la violence est toujours plus interrogative aujourd'hui dans des romans plus récents. Et il y a une prudence de la part des écrivains. Dans le dernier roman d'Hervé Lecor, par exemple, dans L'ombre du brasier, le lecteur est plongé au cœur de la Commune de Paris en 1871, au cœur de la Semaine sanglante en fait à Paris, et on accompagne des communards qui sont obligés de prendre parti puisqu'ils sont enfermés dans cette situation. Et là, on a une question intéressante qui est que fait-on quand on est pris dans une lutte dans laquelle on n'a pas le choix de prendre parti et qui en même temps nous met en danger puisqu'elle nous expose à une violence qui est inévitable, quoi qu'on fasse. Et question qui n'est pas sans écho avec des situations politiques contemporaines. Alice Jacquelin, ce sera le mot de la fin. Oui, non, sur cette question justement de la violence et de la politisation, pour revenir sur les séries télé, ce qui faisait aussi partie de mon corpus, il y a quand même quelque chose, c'est la figure du serial killer et du monstre, un peu cette personne monstrueuse qui va tuer en série ses victimes. On a une forme de dépolitisation dans ces structures-là. On pourrait croire à une forme de dépolitisation. Et en fait, c'est vrai que quand on analyse de près certaines séries ou certains romans qui mettent en scène cette violence extrêmement gratuite, monstrueuse, gore, en fait, on se rend compte que ce monstre-là est aussi l'émergence du corps social, en quelque sorte. Et qu'en fait, c'est la société contemporaine et la société de spectacle qui crée ces monstres-là aussi. Et donc, finalement, on a un retour du politique, même au sein des intrigues qui peuvent paraître les plus dépolitisées. Peter Lorre n'était pas isolé dans Aime le maudit, alors. Voilà, exactement. La nuit de la Bilipo continue. Merci à vous, Lucie Amir et Alice Jacquelin. La nuit de la Bilipo, donc il y a du rififi chez les romanciers. Et puis cinéma pour les ondes, le couteau dans la plaie. Et nous retrouverons Mathieu Letourneux et Catherine Chauchard en toute fin de nuit. Merci à vous deux. Merci.